Tout est venu si vite. Tout a été si grand, si beau, si fort, petite. Ma vie s'est embrasée d'une joie insolite. La joie simple de se comprendre à travers des gestes et des mots tendres. Tout en nous a pris flamme, illuminant nos yeux, nos cœurs, nos corps, nos âmes. En peu de jours, tu es devenue femme. En peu de temps, tu as changé mon existence. En insufflant en moi de ton adolescence. Plus rien ne m'est hostile. Moi qui n'étais sans toi qu'une forme immobile. Je coule dans tes bras comme des eaux faciles. Docile, des eaux tranquilles. Tout me semble limpide. J'étais cerné d'ennui, de loi, de mur, de ville. Le bonheur est venu pour me servir de guide, me tirer d'un passé qui sombre et m'encourager à sortir de l'ombre. Tout est fait d'harmonie. Notre ciel est plus haut, plus clair, plus pur, ma mie. Moi qui ne savais plus que faire avec ma vie. Moi qui vivais la nuit, moi qui dormais le jour. Chose, et veux mettre à tes pieds chacun de mes instants comme des roses.